Chers auditeurs de Canal B sur antenne du 94 MHz, bienvenue dans l'Asile le plus sûr pour la dernière émission de l'année 2014, ou bien peut-être la première si vous écoutez la rediffusion du dimanche sur l'antenne de Canal B ou sur le blog de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr. Coutume de saison, je vous ai concocté un petit programme de réjouissance de fin d'année, une spéciale des meilleurs albums qu'on a pu vous diffuser tout au long de cette année 2014, un top 15 comme les deux dernières années, et on va attaquer avec peut-être l'album qu'on a le plus diffusé. On a dû l'écouter à peu près aux deux tiers ou aux trois quarts, cet excellent disque du projet collaboratif Black Dirt Hawk, qui réunit des membres de Pelt, du No Neck Blues Band, de Psychic Hills ou encore de D. Charles Spear, pas mal d'Américains, notamment Steve Gunn, Nathan Bowles ou encore David Shufford du No Neck Blues Band. L'album s'intitule Wayanda Patent. Il est sorti en janvier sur le label MI I Records, donc une cohorte de folk pour un album plutôt expérimental qui mélange banjo et cordes façon Appalache et des choses un peu plus kraut ou même un tantinet musique nouvelle, comme le titre que je propose pour démarrer cette spéciale 2014, le morceau de Black Dirt Hawk, From the Jaguar Priest. Thank you. a démarré la spéciale rétrospective 2014 de l'Asile le plus sûr avec deux combos américains pour le moins aventureux qu'on vous a pas mal passé plutôt en premier semestre. Tout d'abord l'excellent projet Black Dirt Hawk, six musiciens folk américains qui gravitent dans une petite dizaine de projets qui ont sorti pas mal de choses, notamment sur le label Thrill Jockey, mais qui se sont fendus de cette galette au titre assez imprononçable en ce qui me concerne, Wawayanda Patent, sur le label MEI Records, enregistré donc dans un studio new-yorkais, un excellent album qui mélange un certain folk de traverse avec pas mal d'expérimentation dans tous les sens. On avait pensé aussi vous passer pour cette spéciale Asile 2014 un excellent disque de folk de monsieur Tom Kovacevic, Universe Sin as Skin, mais comme il fallait s'en tenir à une quinzaine de titres, je me suis concentré plutôt sur Black Dirt Hawk, qui était enchaîné avec un quintet cette fois-ci qui est basé à Brooklyn et qui répond au nom de Cloud Becomes Your Hand, qui a sorti presque leur premier disque. Ils avaient juste sorti un 45 tours et un album éponyme de manière assez confidentielle, ce qui n'est pas du tout le cas de ce Rock or Cakes qui a été produit et coproduit entre les labels Northern Spy et Feeding Tube. Cloud Become Your Hand, qui est un combo mené par monsieur Stephen Cooper, claviériste de son état. Alors c'est plutôt un groupe de claviers, guitare, de percussions ainsi qu'un violoniste pour une musique plutôt psychédélique, assez kaléidoscopique, avec des lyrics à la Syd Barrett. On pourrait dire que c'est la tendance rigolote du rock post-Canterbury ou encore du rock In Opposition, mais l'album est extrêmement aventureux, donc jetez-y une oreille si ce n'est déjà fait à ce Rock or Cakes de Cloud Becomes Your Hand. On va continuer avec une séquence cette fois-ci plutôt de choses anciennes, puisque ces dernières années la mode des rééditions et notamment des rééditions vinyliques font ressurgir beaucoup de choses à la surface, et là c'est vraiment un projet très très intéressant dans l'archéologie sonore de la fin des années 70, début des années 80. Il s'agit de Martok, le projet de synth-pop un peu dark wave et sous influence Residence du britannique Warren Scott alias Martin O'Cusbert, qui avait sorti pas mal de 45 tours je crois à la fin des années 70, début des années 80, qui ont été réunis sous le titre Music for Alien Ears. Alors, il y a eu pas mal d'éditions de cette anthologie de Martok, mais celle qu'a produit le label concentré sur les musiques psyché 60s, 70s et au-delà, et dans l'expérimentation tous azimuts EM Records, l'a fait connaître de manière un petit peu plus large, ce Martok. Je propose d'écouter un des très très beaux titres de cette anthologie, Music for Alien Ears, Nightmare par Martok. I have seen the savage hand of the Vortex Rider spreading his final hatred higher and higher. Silent death, and striking at all with his fiery breath. To an all-consuming, mind-absorbing zenith. I'm on a nightmare journey, and now I've started learning. I'm on a nightmare trip, and peace. vibrations getting higher and higher. Smashing down the pinnacles of the dignified fate, digesting the soul of a city in its heaving weight. Amid the tormented suffering of a million screaming mistake. I'm on a nightmare journey, and now I've started learning. I'm on a nightmare trip. I have fought the changeling marauder on the battle-scarred land. Fought him to a standstill as the rocks reduced to sand. Sending him along the way to meet his creator. I've put an end now to this cosmic violator. Ended forever that star-spawned operator. Keine Zukunft. Alles ist vorbei. Keinen will verstehen. Keine Zukunft. Keine Zukunft. Keine Zukunft, keine Zukunft. Arbeit macht nicht frei. Geld ist nicht der Schlüssel. Jesus ist auch eine Droge. Keine Zukunft, keine Zukunft, keine Zukunft. Keine Zukunft, keine Zukunft, keine Zukunft. Wir können nur sein. Wann wir uns befreien. Lass uns alle kämpfen. Sonst ist es zu spät. Keine Zukunft. Keine Zukunft. Keine Zukunft. Keine Zukunft. Yeah. l'instant dans les îles de Bussure, vous avez pu entendre quelques spécimens des disques de musique électronique intentinée, psychédélique d'ailleurs, qu'on a écouté cette année dans l'émission. Tout d'abord, le fameux Martok, Martin Åkesbert, et son projet de la fin 70, début des années 80, qu'affectionnait d'ailleurs tout particulièrement John Peel ou encore John Lydon de Public Image Limited, qui avait classé l'un de ses 45 tours en number one de son classement au NMI en 1978. Là, on écoutait un titre de 1980 qui fait partie de ce florilège Music for Iron Ears, qui a été réédité de manière un peu plus large que précédemment en vinyle et CD par les bons soins du label japonais IM Records, puis c'était enchaîné avec le non moins obscur, mais cette fois-ci hollandais, André de Saint-Aubin et son Sound on Sound, sorti par Korm Plastics dans sa division Plinkity Plong, qui était une cassette de 1982 pour ce drôle de personnage dont on n'a quasiment pas d'informations. Il a sorti uniquement ce disque cassette et aussi un 45 tours avec un mélange un peu Suicide et Residence sur les bords pour ce André de Saint-Aubin et son Sound on Sound. Et on a terminé avec un combo cette fois-ci nettement plus contemporain. Il s'agissait de Opéra Mort et leur disque Dédale, qui est sorti au printemps 2014 sur le label britannique Alter. Il s'agissait du duo Frenchie, même s'il y en a un qui est basé à Paris et l'autre à Bruxelles, Joe de Tanz Process et Laurent Gérard alias LG, qui n'avait rien publié sous ce nom Opéra Mort depuis leur disque qui était sorti chez Bimbo Tower en 2011. L'album Dédale qui est plutôt assez réussi. Là, on écoutait un titre un peu répétitif, mais il y a des choses assez surprenantes sur ce disque de Opéra Mort, comme sur le double 45 tours que je propose d'écouter dès à présent, d'une formation hexagonale totalement inconnu au bataillon. On ne remerciera jamais assez monsieur Denis Tagu et son label Impolisson pour son archéologie sonore des musiques impertinentes de tout poil et pour avoir fait ressurgir cette formation à géométrie variable originaire de Carpentras qui répondait au doux nom de Johnny B. Crott. Donc un double 45 tours qui rassemble les pièces qui étaient sorties, le matériel qui était sorti à l'époque, au début de l'année 78, ça avait été enregistré en décembre 1977, sous la forme d'un 45 tours qui était enveloppé d'ailleurs dans un poster qui représentait un Père Noël en mini-jupe. Beaucoup de délire pour cette formation Johnny B. Crott, qui comptait dans ses membres pas mal de gens qui ont officié dans le rock de l'après 1968, notamment le saxophoniste Manfred Kovacic, ex-Barricade, qui a été collaborateur de Zazou et de Rakai ou encore de Bashung. Il y avait aussi Bernard Mathieu qui lui était saxophoniste et qui avait intégré Étrenfou le Loup Blanc à la fin des années 70, ou encore Guy Sapin qui a fait partie d'un certain nombre de projets de Guigou Chenevier. On retrouvait également Barbecue Bob ainsi que Michel Augier qui ont été les plus réguliers de cette formation Johnny B. Crott. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir l'article que l'entrée que leur consacrent messieurs Eric Day et Dominique Grimaud dans leur ouvrage L'Underground Musical en France, Histoire des maquis sonores hexagonaux, publié au Moëlle-Rest il y a de ça quelques années, qui a été repressé d'ailleurs depuis. Dominique Grimaud s'est fendu d'un très beau texte qui accompagne ce double 45 tours de Johnny B. Crott, qui contient également des cartes postales, l'affiche affiches de l'époque, ainsi que des témoignages et pas mal de choses pour une anthologie totalement complète de Johnny B. Crott. Et on écoute le titre, non pas un titre qui faisait partie du 45 tours de l'époque, mais l'un des inédits qui figure sur le second 45 tours, le morceau Gloria, la cover du fameux titre de Van Morrison, époque Zem. On écoute Johnny B. Crott. Thank you. Thank you. l'instant, dans les idées plus sûres, trois exemples à nouveau de ce que les musiques de traverse ont pu produire de meilleur cette année. Tout d'abord, un double 45 tours édité par l'excellent label Rennais Impolisson. La musique de Johnny Bicrott, une formation qui existait dans la deuxième moitié des années 70 jusqu'au début des années 80. Qui était assez proche des Royals de Luxe d'ailleurs. Johnny Bicrott avec leur pseudo assez hilarant, OG La Sauge, John D'Aventure, Au Cléon de la Vase, Gustave Moulinex, Barbecue Bob, Manfred K et Bruno Vis. Vous pouvez les retrouver sur ce double 45 tours qui regroupe l'ensemble de leurs frasques sonores qu'ils ont enregistrées à cette époque. C'était plutôt un groupe de scène avec des spectacles assez incroyables, j'imagine. Il y a d'ailleurs un très bel article de presse dans cette très belle édition de ce double 45 tours de Johnny Bicrott, un compte-rendu donc d'un concert-spectacle au Chêne Noir, la fameuse salle mythique d'Avignon. Voilà pour Johnny Bicrott que vous pouvez vous procurer auprès du label Impolisson via son site impolisson.free.fr ou peut-être par le distributeur Metamkin si vous intéressez donc aux musiques de l'après 1968 en France et à Carpentras. Donc c'était enchaîné avec une nouvelle galette du projet de monsieur Mick Ops Officer, qui est un vieux projet du début des années 80. On se souvient notamment de leur fameux disque Ossification, qui était sorti en 1984 chez Ayaa, qui a été réédité d'ailleurs en cette année 2014 sur Knock M Dead. Mais là on écoutait le disque qu'ils ont sorti, que Mick Ops a sorti avec tous ses amis sous le titre Dead Unique, un double album édité par le label plutôt spécialisé ou estampillé musique électronique industrielle Blackest Ever Black, qui a édité la musique de Officer, qui était en fait des titres décousus de différentes époques et toujours avec un personnel assez fluctuant. D'ailleurs, sur le titre qu'on écoutait, il y avait Monsieur Jetfer, avec lequel Mick Ops collabore au sein de Half Japanese depuis une bonne vingtaine d'années. Half Japanese qui a également sorti une galette en cette année 2014 sous le titre Overjoyed. Voilà pour Officer et Dead Unique. Et on a terminé avec un autre personnage singulier des musiques parallèles françaises en la personne du trompettiste et chanteur Jacques Bérocal, qui lui s'est fendu d'un nouvel album sous le titre MDLV sur le label Sub Rosa. Et c'est plutôt un événement en ce qui me concerne, puisqu'il n'avait rien sorti sous son nom depuis un bon paquet d'années. En fait, ce disque consiste plutôt en une anthologie de titres étalés sur une trentaine d'années, mais elle est vraiment très très bien compilée, cette anthologie. On y retrouve pas mal des gens qui ont accompagné Jacques Bérocal, donc c'est vraiment un peu un wouzou des musiques de traverse depuis ces 30 dernières années. On y trouve notamment les gens avec lesquels il a collaboré à la fin des années 70, début des années 80, à l'époque de Catalogue, jusqu'à des projets très récents, notamment aux côtés de monsieur David Fenech, ou encore des gens de PAC, Ron Anderson et Keith Abrams. Donc ça fait pas mal le grand écart entre différentes personnalités, comme le titre qu'on écoutait à l'instant, qui était une collaboration entre la trompette midifiée en écho de Jacques Bérocal et les musiques électroniques de Laurent Chambert du collectif Rose et Noir, collaborateur de Marie Moore. On va continuer avec une chanteuse multi-instrumentiste qu'on a beaucoup passé dans l'Asile le plus sûr en 2014. Il s'agit de Ashley Paul, une musicienne basée à Brooklyn, plutôt saxo-clarinettiste à la base, et qui depuis 4-5 ans produit du songwriting de manière assez incroyable. Alors plutôt un songwriting façon Patti Waters et autres consoeurs des musiques un peu libre. Ashley Paul, à qui nous avions consacré d'ailleurs une émission spéciale l'été dernier, qui est toujours écoutable sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Et on écoute l'album qu'elle a sorti en cette année 2014 sous le titre Hit Source chez Important Records. On écoute le titre In You de Ashley Paul. à l'instant deux disques que votre serviteur aura beaucoup écouté en cette année 2014. Tout d'abord, l'excellent nouvel album de Ashley Paul sous le titre Heat Source, sorti chez Important à la fin du mois d'octobre. Album indispensable en ce qui me concerne, qui était enchaîné avec la rencontre entre David Groobs et la paire italienne Stefano Piglia à la guitare et Andrea Belfi, et le disque Dust and Mirrors sorti au mois de février sur la subdivision dont s'occupe Monsieur Groups Blue Chopstick chez Drag City. Album vraiment, vraiment magique. On y retrouve donc David Groobs aux côtés des deux Italiens. C'est le deuxième album qu'ils sortent ensemble. Le premier était sorti il y a de ça 3-4 ans. Il a d'ailleurs été réédité également en 2014. Et Andrea Belfi, Stefano Piglia, qu'on écoute aussi pas mal et assez régulièrement dans L'Asile le plus sûr. Notamment, on les a écoutés aux côtés de Mike Watt dans le projet Il Sogno del Marinaio, qui a sorti un nouvel opus aussi en cette année 2014. Quant à Andrea Belfi, il est difficile de passer un mois sans parler de lui, vu les nombreux projets dans lesquels il officie. On avait aussi passé son projet Obo Combo, qui est un groupe de reprises de Moondog, et l'an dernier le projet collaboratif BBS faisait partie également du top 15 de l'année 2013. On va continuer avec une séquence des disques plutôt jazz ou apparenté, et on démarre avec André Vida, qui est un saxophoniste d'origine hongroise, américano-hongroise plus exactement, et qui vit à Berlin, qui a collaboré notamment aux côtés d'Anthony Braxton, et qui depuis quelques années invente un style multiphonique en solo de manière assez incroyable. Il vient de faire paraître, c'est tout récent, au début du mois de décembre, sur le label plutôt estampillé musique électronique britannique Entract, un nouvel opus sous le titre Minor Differences, et c'est un disque vraiment, vraiment incroyable, dont on va écouter un extrait, le titre Iggy. Alors je ne sais pas si c'est dédié au fameux Iggy. On écoute Andrea Belfi dans L'Asile le plus sûr, le temps de caler ce disque, et ça devrait partir tout de suite, ce CD d'André Vida sous le titre Minor Differences. Thank you.

trois excellents albums de jazz libre qu'on a écouté cette année 2014 dans l'asile le plus sûr. Tout d'abord, l'excellent disque solo du saxophoniste André Vida, Minor Differences, publié par le label Entract. Ça s'est sorti il y a peu, en fin d'année, qui était enchaîné avec le duo entre le guitariste Fred Friis et le saxophoniste John Butcher, sous le titre The Natural Order. C'est sorti cet automne chez Northern Spy, une rencontre très très échevelée entre les deux musiciens. Je crois que c'est la première fois que je les entendais jouer l'un à côté de l'autre. Fred Friis qui a aussi sorti un autre duo avec le saxophoniste Michel Doneda en cette année 2014, et on a conclu avec le groupe Construct et Marshall Allen, extrait de leur disque Vibrations of the Day, une réédition d'un CD qu'ils avaient sorti sur leur propre label Reconstruct, et ça a été réédité par le label Holidays. Excellente rencontre entre ce collectif de musiciens turc et le saxophoniste du Sun Ra Orchestra. Ils ont sorti pas mal de choses en cette année 2014, notamment une rencontre aussi avec Joe McPhee sous le titre Babylon, The First Meeting of Istanbul chez Rorateryo. Et on leur avait consacré une émission complète qui est toujours réécoutable sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr pour le collectif de monsieur Umut Emek Saglar. Voilà, on va écouter une dernière sélection de jazz free d'un très beau coffret de musiciens norvégiens, une grande formation, The Large Unit, et le coffret Erta Ale, qui est le nom de la montagne fumante éthiopienne. Et c'est vrai que c'est une rencontre plutôt éruptive entre ces cinq soufflants, deux bassistes, deux batteurs, un guitariste électrique et un électronicien, tout ça mené par le batteur émérite Paul Nissenlov, qui a sorti ses pièces studio et live, donc trois CD qui sont sortis sur son propre label cet automne. Et c'est aussi sorti en quadruple vinyle avec un flexi-disque tout chez PNL Records. On écoute le titre qui démarre cette anthologie du Large Unit, Erta Ale. Oh, Un extrait de l'excellent coffret Hertha Ale de la grande formation norvégienne Large Unit menée par le batteur émérite Pål Nissenlove qui a dû sortir à peu près 15 trucs cette année. Et donc ça faisait partie de mon palmarès des disques très recommandables de l'année 2014 de l'Asile le plus sûr. Pål Nissenlove qu'on avait d'ailleurs vu pour l'un des concerts aussi qui restera dans ma mémoire en cette année 2014 au rendez-vous de l'Erdre aux côtés de son acolyte le saxophoniste Ken Vandermark et des deux gratteux de ZX. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de cette playlist sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/renman. Et je vous propose le dernier titre donc de ce top 15 de l'Asile pour cette année 2014 qui se referme. On essaiera évidemment de vous proposer le meilleur pour l'année 2015 sur l'antenne du 94 MHz. Je vous souhaite d'ores et déjà d'ailleurs le meilleur aussi pour cette nouvelle année. Et on écoute le disque de Arnold Dreiblatt Choice, qui est une anthologie de ce musicien minimaliste américain sur guitare, vielleroux, cymbalum et autres orgues. Et donc différentes pièces enregistrées en concert étalées sur 25 ans de son Orchestra of Exciting Strings, orchestre transatlantique pour ce musicien qui vit en Allemagne et qui a étudié aux côtés de Pauline Oliveros, de Lamonte Young et de Alvin Lucier, qui fera une très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous souhaite une excellente nuit. On se retrouve bien évidemment l'année prochaine et ce sera lundi prochain. On écoute Arnold Dreiblatt et un extrait de ce Choice. À bientôt.